Histoire Actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la presse d'histoire, actualité des livres d'histoire. Pour cette dernière émission de la saison, avant deux semaines de rediffusion, nous allons vous parler de guerre, guerre de 14-18 d'abord, avec la rubrique habituelle dans la Fabrique de l'Histoire, de la Fabrique Mondiale de l'Histoire, avec le magazine L'Histoire et sa rédactrice en chef, sa directrice de la rédaction Valérie Hanin. Bonjour Valérie. Bonjour Emmanuel. Et notre invité d'aujourd'hui, John Horn, il est professeur émérite d'histoire française contemporaine à l'université de Dublin, au Trinity College en particulier. Il dirige le conseil scientifique de l'historial de Péronne et il organise bientôt à la rentrée au musée de l'armée une exposition qui s'intitule « À l'Est, la guerre sans fin ». Il participe au grand dossier du magazine Histoire qui s'intitule « 1918, comment la guerre nous a changé ». Puis en deuxième partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Anne Loerf qui vient de publier donc « Le jour où l'homme inventa la guerre » sous le titre « Par les armes » aux éditions Belin. Elle était déjà venue nous parler de son précédent ouvrage, toujours chez Belin, « Préhistoire d'Europe ». Ensuite, Catherine de Copé, dans « La fabrique de l'autre », analysera un qualificatif utilisé pour désigner un autre, et cette fois-ci, c'est le terme de « masse ». Et enfin, avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, notre rubrique traditionnelle du vendredi en fin d'émission, c'était à la une. Aujourd'hui, les lectures d'un texte antiféministe de 1908 qui s'en prend à la féministe Madeleine Pelletier, publié dans le journal de la Haute-Loire, donc en 1908. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je les révère et leur donne un satisfait-ci. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte ne tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bon, rebonjour Valérie Hanin. Et nous arrivons au terme d'une grande séquence commémorative, pourrait-on dire, dans laquelle vous avez, à laquelle vous avez participé avec le magazine L'Histoire, et vous participez avec le dernier numéro qui vient tout juste de sortir en kiosque, donc, qui s'intitule 1918, comment la guerre nous a changé. Absolument, Emmanuel, et on a beau Aimé Brassens, on peut penser que cette chanson aujourd'hui ne peut plus passer chez les historiens. Après tout, le travail qui a été fait depuis 20 ans pour montrer l'importance de cette guerre et son côté, dirons-nous, catastrophique et matriciel, c'est quelque chose qu'on entend avec une oreille nouvelle. Un peu différente et un peu nouvelle. Différente. La guerre de 14, la première guerre mondiale, n'est pas une parenthèse et l'armistice qui a été signé le 11 novembre 1918 à 11h, l'heure sacrée, dans une clairière de la forêt de Compiègne, ne marque pas la fin du conflit. L'immense soulagement, c'est plus soulagement qu'une vraie joie, qui accompagne à l'ouest le cessez-le-feu, ne doit pas masquer qu'ailleurs, le sang continue de couler. Et ce même mois de novembre 1918, les bolcheviks qui profitent de la défaite allemande pour reprendre l'offensive et sur les territoires qui ont été cédés l'année précédente à Brest-Litovsk, font flamber de nouveau la guerre à l'Est sur une immense ligne qui va de la Finlande aux pays baltes à l'Ukraine. C'est là que vont s'illustrer les sinistres corps francs, hein, que Ernst von Salomon a immortalisé de façon terrible dans son roman Les Réprouvés. Dans les mois qui suivent, c'est en Turquie que Mustafa Kemal va reprendre les armes pour agrandir un pays qui a été réduit comme peau de chagrin par les amputations du traité de Sèvres. Donc le 11 novembre 1918 met enfin, c'est le sens des commémorations de cette année, à cette première guerre mondiale. On peut se demander avec les historiens et notamment John Horne qui organise, comme vous l'avez dit Emmanuel, cette grande exposition au musée de l'armée en octobre prochain, La guerre sans fin à l'Est. Pourquoi cette guerre sans fin? Est-ce que commémorer le 11 novembre 18 comme la fin du conflit, c'est une illusion de vainqueur? Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter cette guerre-là? Jusqu'à quand la Première Guerre mondiale va-t-elle durer? John Horne. Oui, bonjour Valérie, bonjour Emmanuel. Oui, effectivement, c'est une question très importante. Je pense que des millions d'hommes auraient été très déçus si vous les avez dit que, en fait, le 11 novembre 1918 ne comptait pas, parce que, effectivement, c'est le cessez-le-feu, c'est la fin des hostilités entre les grandes puissances européennes, à la suite d'autres armistices qui se sont écoulés depuis deux mois, donc en 1918. Donc, c'est un moment très important, mais comme vous dites, c'est un moment d'abord provisoire, parce que l'armistice, ce n'est pas la paix. Mm-hmm. Et ensuite, la violence, les violences continuent. D'ailleurs, le premier armistice, il ne faut pas l'oublier, a déjà eu lieu un an auparavant, en décembre 1917, entre les bolcheviks et les Allemands, puis la paix de Brest-Litovsk, donc en mars 1918. Donc c'était une première fin de guerre provisoire qui a échoué. Et donc, avec le cessez-le-feu du 11 novembre, on pourrait se dire que bon, c'est la fin de la guerre, mais non. Parce que déjà à l'Est, la révolution russe, événement mondial, a éclaté. Et avec l'écroulement à la fin de 1918 des trois grands empires, déjà l'empire russe, mais l'empire ottoman et l'empire austro-hongrois. Donc c'est le chaos en quelque sorte, la descente dans le chaos de l'Europe de l'Est. Bref, la Grande Guerre a déchaîné tant de forces, a détruit tant de choses que c'est impossible à remettre tout cela dans une boîte, ni au moment de l'armistice, le 11 novembre, ni d'ailleurs pendant la conférence de la paix qui va lui succéder à Paris en 1919. Et je dirais grosso modo, donc, ces violences multiples, révolutions, guerre civile, insurrection, vont continuer dans l'Est de l'Europe, en Russie, en partie en Proche-Orient, même en Irlande, c'est pas simplement à l'Est, mais aussi à l'Ouest, jusqu'aux alentours de 1923. Donc on pourrait dire en fait que la Grande Guerre s'inscrit au centre d'une plus grande guerre, qui ne se termine en fait que vers 1923. Et c'est là le sujet de non seulement du numéro spécial de l'histoire, mais aussi de cette exposition au musée de l'armée que je préside tout simplement le conseil scientifique. Ce sont les vrais spécialistes du musée qui le dirigent, mais qui effectivement c'est le thème donc de cette grande exposition qui clore paradoxalement le centenaire de la Grande Guerre en disant en fait que Grande Guerre a continué jusqu'en 1923. Oui, je rappelle souvent à ce micro que lorsqu'on se rend dans des villages ou dans des villes de Grèce, eh bien on voit sur les monuments aux morts que les monuments aux morts pour la Première Guerre mondiale commencent en 1912 et se termine en 1922. Ce sont les termes ante et post de cette guerre, parce que ce sont les guerres balkaniques qui commencent en 1912, et c'est 1922, c'est la fin des traités, pourrait-on dire, la fin du grand échange de population entre la Turquie nouvelle de Mustafa Kemal et la Grèce, après la tentative de reconquérir cet espace par les Grecs. Exactement, Emmanuel. Et je pense que c'est une très bonne illustration du paradoxe justement de cette période de sortie de guerre, parce que en fait, ça déclenche les Alliés, donc les Grecs déclencher leur grand rêve du mégalie, donc la plus grande Grèce. Grande idée. Donc ils participent avec les Alliés au dépercement à la division de l'empire ottoman. Ça entraîne donc la réaction des nationalistes turcs avec l'Atatürk, et c'est à ce moment-là que donc se crée donc la Turquie indépendante actuelle. Mais donc cette séquence de violence termine par le traité de Lausanne. Et le traité de Lausanne révise le traité de Sèvres qui était censé décider, clore donc la guerre avec l'Empire ottoman. Et donc c'est le premier acte de révisionnisme de la conférence de la paix, et d'ailleurs qui entérine pour la première fois le nettoyage ethnique, le déplacement forcé. Ce qu'on appelle l'échange de population. Et les nationalistes allemands, y compris Hitler, se penchent sur le traité de Lausanne comme un exemple pour l'avenir. Valériane. Alors, à l'Ouest, John Horn, ça n'est pas forcément plus facile du côté des vainqueurs, et pour d'autres raisons. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur un concept que j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, celui de démobilisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile aussi, même chez les vainqueurs, même à l'Ouest, de sortir de cette guerre-là? Qu'est-ce que c'est que la démobilisation culturelle, le passage de la guerre à la paix? Oui, je dirais que pour les pays vainqueurs qui sont plutôt donc à l'Ouest, la paix telle qu'ils la font, ils l'imaginent en sortant de la guerre, est une paix angoissée, surtout pour la France, mais pas seulement, même pour les États-Unis. Les États-Unis refusent d'entériner, de ratifier donc le traité de Versailles. Donc c'est le grand échec de Wilson. Les Britanniques ne veulent plus s'immiscer dans l'Europe. Donc une fois la guerre réglée, ils ont liquidé les colonies allemandes et la flotte, la marine allemande. Donc ils partent un peu à eux seuls. Et donc ce sont les Français qui restent dans un état un peu victorieux, mais angoissé. Et donc, il me semble que le sacrifice qu'ils ont fait, ce sacrifice énorme pendant la guerre, on risque chaque jour dans la paix de le perdre. Ouais. Si on ne maintient pas, si on n'impose pas la paix que l'on veut. Mais le problème, c'est qu'à la différence de 1945, on n'est pas complètement en contrôle. Donc, les pays alliés n'ont pas les moyens. D'abord, la question d'une alliance pour la France s'est effritée parce que la Russie bolchevique est à part, impossible à faire une alliance avec elle. Et donc, c'est toujours cette angoisse parce qu'on n'a pas liquidé la vraie question pour les Français, pour les alliés, qui est la puissance allemande. Donc, si dans une certaine mesure, l'équilibre du pouvoir continental était au centre de la Grande Guerre, cette question-là n'est résolue que provisoirement. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à maintenir une emprise sur l'Allemagne? C'est l'occupation de la Ruhr en 1923. Ou est-ce que finalement, sur les bases des traités de la paix, on essaie de faire une réconciliation avec l'Allemagne? Et il me semble que c'est à partir donc de l'échec de l'occupation de la Ruhr en 1923 que les Français surtout, mais les Allemands dans la personne d'Aristide de Gustav Stresemann, donc Briand et Stresemann, ce couple qui essaie de faire une sorte de réconciliation, au point où on pourrait se demander si ce n'est pas vraiment à partir de 1904, donc à partir de cette longue sortie de guerre, de cette guerre plus longue, que le vrai processus de la paix ne commence. 1924, c'est ça. 1924. Oui. Donc l'argument, ce serait que, en fait, la paix n'est pas un fait. C'est un processus. Mm-hmm. Est-ce que ces pacifistes brillants, Stresemann, qui nous apparaissent quelquefois comme des naïfs, est-ce que au fond ils sont en train quand même de construire quelque chose? Est-ce que on a parfois l'impression que la Deuxième Guerre mondiale est déjà en germe dès les années 20, dès le traité de Versailles est parfois accusé? Qu'est-ce que vous diriez de ce processus de paix dont vous dites 1924, 1925? Au fond, quelque chose est possible. Est-ce que c'était réaliste? N'est pas joué. Est-ce que ça avait des chances de marcher, de produire quelque chose de durable? Je dirais que oui, qu'il y avait un vrai travail de réconciliation qui avait été fait, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Est-ce qu'ils étaient des naïfs? Non, parce que Stresemann, comme Briand, étaient des hommes politiques qui avaient les intérêts de leur pays vraiment dans leur cœur, et ils étaient des réalistes. Donc, toute la question des coalitions, c'était important, les négociations dures, mais les deux comme beaucoup de pacifistes de toutes couleurs dans cette deuxième partie des années 20, étaient frappés par l'expérience de la Grande Guerre et ce changement dans l'estimation de la guerre. C'est-à-dire, en sortant de la Grande Guerre, beaucoup de personnes considèrent que la guerre, ce type de guerre-là n'est plus un outil diplomatique ni politique. Donc, il faut s'organiser contre la guerre et non pas pour la guerre ou par la guerre. Ça, c'est la clé. Et donc, ils disent, les deux hommes disent que cette guerre-là était une catastrophe pour l'Europe. Et donc, ce qu'ils essaient, c'est de créer quelque chose que nous connaissons, nous, depuis 1945. C'est un monde où le pouvoir est pluraliste. C'est un monde avec le droit international. C'est un monde avec des institutions internationales. En l'occurrence, la Société des Nations. Et sous l'égide de la Société des Nations, les deux hommes proposent pour la première fois les États-Unis de l'Europe. Donc, c'est un premier jalon de ce qui deviendra le projet européen après 1945. Est-ce que tout cela a été réaliste? Je dirais que on ne peut pas lire cela à la lumière de l'échec de la Deuxième Guerre mondiale. Ces hommes-là maîtrisaient en quelque sorte leur destin. Mais ils étaient aux emprises avec des forces considérables contre eux. D'abord, il y avait la flambée des nationalismes à l'Europe de l'Est. Deuxièmement, il y avait les critiques à l'intérieur de l'Allemagne contre la politique de réconciliation de Stresemann. Ensuite, bien sûr, il y a eu la grande crise financière économique de 1929. Sans tout cela, sans la grande crise économique, est-ce que cela aurait pu marcher? C'est possible. On ne peut pas dire le contraire. Dans le numéro de l'Histoire, donc qui vient tout juste de paraître en kiosque, qui s'intitule 1918, comment la guerre nous a changé, un gros numéro de 116 pages, eh bien vous intervenez, John Horn, pour rappeler aussi qu'il y a un autre espace qui est touché par cette démobilisation, ce sont les colonies, et les colonies de toutes les puissances belligérantes, et vous les passez les unes et les autres en revue. Vous rappelez évidemment cette anecdote que je ne connaissais pas, qu'un jeune indochinois en 1919 qui travaillait à Paris dans un restaurant, essaie de voir Woodrow Wilson. Il s'appellera plus tard Ho Chi Minh. Oui, absolument. C'est-à-dire que les idées de Wilson, et notamment cette idée très vague mais très puissante de l'autodétermination des peuples, était conçue par Wilson pour l'Europe, pour résoudre les problèmes de l'Europe. Mais c'était pris comme un principe par beaucoup d'intellectuels dans les colonies. Et donc, les Chinois, les Coréens, les Égyptiens, les Indiens, les Indochinois voulaient se présenter à Paris pour demander ou bien des réformes ou carrément la libération des colonies, en tous les cas. Ou du moins des droits. Voilà. Mais ce n'était pas du tout dans l'optique donc des grandes puissances, des grands hommes qui faisaient la paix en 1919. Et par la suite, ça a provoqué toute une série de d'émeutes et de répressions très fortes en Égypte par les Britanniques, en Inde. Il faut noter que c'est à partir de ce moment-là que Mohandas Gandhi devient vraiment anticolonialiste et prend en main le mouvement congrès. Ceci dit, Cette idée d'une nouvelle architecture mondiale à travers la Société des Nations impose l'idée des mandats, notamment pour les anciennes colonies allemandes, mais surtout, et c'est le plus important, en Proche-Orient, parce que les Britanniques et les Français se sont partagés, ont divisé les territoires arabes de l'Empire ottoman en créant ainsi le Proche-Orient moderne. Mais c'est sous le contrôle des mandats qui impliquent au moins légalement l'obligation de mener les peuples indigènes vers l'autonomie, la liberté. Valériana. Dans cet énorme Big Bang de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a aussi une immense crise des réfugiés, avec des millions de réfugiés. On dit aujourd'hui, on n'a jamais vu ça, une crise humanitaire sur les réfugiés. Et pourtant, là, évidemment, c'est en germe. La France joue un rôle particulier dans cette affaire, John Horn. Oui, c'est effectivement un moment extrême de détresse, de déplacement de population, de réfugiés. Et la France devient en quelque sorte une terre d'accueil pour beaucoup de Russes blancs, donc de ces vaincus de la guerre civile russe qui partent très souvent par la mer Noire, par Constantinople, Istanbul, mais aussi pour beaucoup d'Arméniens. Il y a déjà bien sûr une diaspora arménienne en France et aux États-Unis. États-Unis, mais à travers Marseille, la France, entre autres pays, mais la France joue un rôle très important comme terrain d'accueil. Donc pour ces vagues de réfugiés déplacés de la guerre, quelque chose qui malheureusement nous connaissons aussi de nos jours. Il faut rappeler d'ailleurs les travaux de Céline Régnard sur justement Marseille comme port d'attache, oui. Ou ceux d'Anouch Kount effectivement, oui, qui explique combien ces Arméniens qui sont restés bloqués après le génocide arménien ou après la question des mandats vont progressivement arriver dans les années 20 par Marseille en France et puis peut-être d'autres repartir vers les États-Unis. Une dernière note. Et cette naissance de l'humanitaire dont parle Bruno Cabanne dans ce numéro, évidemment avec notamment la haute figure de Nansen. Et les passeports Nansen, et le fait que la Société des Nations ait établi un office pour les réfugiés. Voilà, un grand premier dans l'humanitaire international. Et là aussi, on peut citer le grand livre, le livre récent de Jovinar Kevonian et Aline Angosourès, justement sur ces réfugiés et apatrides, qui est un livre qui fait le point sur ce passeport Nansen, sur ces apatrides et tous ceux qui vont devoir trouver un endroit où se poser après les bouleversements de la Première Guerre mondiale. C'est toute la richesse de ces années-là d'après-guerre, cette difficulté de la sortie de guerre dont nous avons voulu rendre compte et qui est évidemment, qui sera balayée par le nazisme et dont les années 20 au fond sont très différentes, et sont laboratoire extraordinairement productif. Et avec beaucoup d'enseignements pour nos jours. Merci beaucoup à vous, Valérie Hanin, donc d'être venue dans cette séquence La Fabrique mondiale de l'histoire, en partenariat avec le magazine que vous dirigez, qui s'appelle L'Histoire, évidemment. 1918, comment la guerre nous a changé, c'est ce numéro spécial de 116 pages qui vient tout juste de sortir en kiosque et auquel vous contribuez, John Horn. Et je rappelle que vous êtes donc directeur du conseil scientifique de cette exposition qui commencera au musée de l'armée en octobre prochain, justement sur cette guerre sans fin à l'Est. Merci à tous les deux. Merci. Bonjour Anne Loer. Bonjour. Merci d'être notre invité pour votre livre « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre » chez Belin. Vous expliquez très bien combien il est difficile pour l'historienne que vous êtes, travaillant sur la période de l'âge du bronze, de se détacher des représentations visuelles, des représentations écrites et des représentations peintes, par exemple du 19e siècle, sur ce qu'on appelait la préhistoire. Là, c'est un extrait de la guerre du feu, justement, un début de bagarre, de violence symbolique. Vous vous intéressez à cette période très particulière dans ce livre. Vous faites un grand tour d'horizon de ce qu'on pourrait appeler la guerre sans témoignage écrit. Vous intéressez en particulier aux alentours du XVIIe, XVIe siècle avant notre ère, à un moment très particulier qui ne traite pas de la violence. Cette violence a existé et on le sait depuis, alors là on peut dire depuis le fond des âges, mais la guerre c'est autre chose, dites-vous Anne Loerf. Oui, je pense qu'effectivement la guerre ne se confond pas avec la violence, même si évidemment cette dernière en fait partie. La question de la guerre, c'est l'organisation d'un conflit entre différentes populations, différents individus, avec les moyens qu'une société se donne pour effectivement mener ces combats et ces batailles. Et ce XVIIe siècle avant notre ère en Eurasie voit un moment très particulier puisque il y a un objet nouveau qui apparaît, qui sort de l'atelier des bronziers, qui est donc l'épée métallique, dont l'usage est sans ambiguïté, et c'est le premier objet dont l'usage est ainsi lié directement à l'affrontement entre des hommes, puisqu'effectivement l'épée ne peut pas servir à autre chose que d'aller combattre l'ennemi en face. Oui, parce que vous expliquez très bien qu'il y a certes eu des essais, en particulier lithiques, à partir de silex, de faire des lames plus longues que ces lames de couteau ou de lance que l'on connaît dans tous nos musées, mais qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec l'invention de l'épée métallique et que cette épée métallique, elle est destinée à tuer ou à blesser un adversaire, alors que les usages précédents de ces autres objets qui pouvaient être contondants, eh bien ces usages-là, en l'occurrence, étaient plus ambigus, Anne Loerf. Oui, j'ai voulu partir en fait d'une certitude. Alors moi, je m'occupe de métallurgie, je suis archéométallurgiste, donc j'ai travaillé sur des objets différents, variés, pas que sur des épées et pas que sur des armes. Mais il y a eu un moment donné dans mes études où effectivement l'épée s'est imposée comme étant porteur, symbole finalement d'un moment, d'un jalon dans l'histoire de l'armement et dans l'histoire d'une certaine manière des sociétés et de l'humanité. Alors ça m'a évidemment poussé à me poser des questions sur ce que signifiait la naissance de l'épée, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, du point de vue des sociétés qui portaient cette fabrication des objets, puisque ça nécessite des approvisionnements métalliques, des savoir-faire, enfin tout un ensemble de réalités. Et ensuite, je me suis posé la question de savoir si on pouvait, d'une certaine manière, en se retournant vers le passé, voir l'équivalent dans le cadre de sociétés plus anciennes. Et ce que donne à voir l'archéologie, les traces archéologiques, puisque ces sociétés-là n'ont pas écrit, donc nous n'avons que, entre guillemets, l'archéologie pour nous aider à comprendre, eh bien, on a des objets qui sont plus ambigus, qui peuvent servir a priori, à différents usages. Et donc, c'est évidemment plus complexe pour l'historien de trancher de manière claire, même si, évidemment, on débat d'hypothèses. Alors, ce qui est fort intéressant, quand on vous lit dans Par les armes, c'est en particulier que vous faites toute l'historiographie de cette question du regard porté par les historiens depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui sur ces périodes donc anciennes qu'on appelait la préhistoire et vous dites effectivement que cette préoccupation de ceux qui sont comme vous penchés sur ces périodes du néolithique ou de l'âge du bronze par exemple ces préoccupations vis-à-vis de la guerre sont excessivement récentes. Oui. Et là j'étais très étonné, vous dites en fait les gens s'y intéressent aux alentours des années 1980-1990. Oui, c'est même 1990 à 2000. Et ce sont d'ailleurs d'abord les collègues américains et anglais qui se sont penchés sur la question via en fait une combinaison, on va dire un regard double entre archéologie et anthropologie. Nous, on a mis encore plus de temps finalement à considérer ces périodes-là. On est pratiquement à l'aube des années 2000 en France pour les premiers écrits. Je pense à Jean Guilaine, Le Sentier de la Guerre, c'est 2001. Donc on a un regard extrêmement récent. Sans doute s'est-on auto-censuré d'une certaine manière sur ces questions-là. Parce qu'on avait en tête aussi des sociétés qui se seraient pacifiées par le néolithique, qui seraient devenues des sociétés d'agriculture. Culteurs, voilà. Paisibles, etc. Exactement. Comme s'il n'y avait pas de conflit quand on s'était installé dans une ferme et qu'on avait un voisin qui voulait mordre sur votre territoire. Et puis quand on a une société s'installer, on pouvait imaginer qu'elle n'avait pas de conflit. On n'a pas envisagé effectivement le conflit d'abord. On a envisagé la naissance de l'agriculteur, du paysan préoccupé à ses champs tous les jours, à s'occuper des animaux et du blé qui poussait. Et effectivement, pas du tout au conflit. Et on n'avait pas dans la documentation finalement aussi des indicateurs qu'on a regardés en tant que tels qui invitaient à se poser ces questions-là. Donc aujourd'hui, on a des traces, on se préoccupe de la violence, on se pose des questions. On a d'une certaine manière regardé ces périodes-là au moment où l'archéologie a inventé en quelque sorte la préhistoire sur deux extrêmes. D'un côté, j'allais dire l'homme dans la grotte, mm-hmm. que l'on voyait très violent, c'est Rony, c'est la guerre du mm-hmm. feu dont on a entendu tout à l'heure la bande son. Du film de Dano. Et puis, à l'opposé d'une certaine manière, on avait l'antichambre de l'histoire avec les Gaulois, qui, eux, quand même, avaient combattu, puisque les écrits antiques nous racontaient quand même que les Celtes et les Gaulois n'étaient pas que des gens pacifiques. Mmh. Et entre les deux, on avait une espèce de flou, de vague, par rapport à ces questions précises autour de la guerre. Et donc, on a inventé le paysan pacifique, et puis on a un peu oublié, finalement, l'âge du bronze. On a d'abord vu le côté... économique, les élites, le côté social. Et aujourd'hui, on s'intéresse véritablement à la guerre comme un sujet à part entière, comme finalement beaucoup d'historiens, et on vient de l'entendre, le font de manière normale. Et vous ne cessez de faire d'ailleurs des liens entre le passé et le présent, entre les historiens qui travaillent sur la Première Guerre mondiale comme John Horn, ou ceux qui ont travaillé sur le Rwanda, et vous posez des questions en tant qu'historienne d'aujourd'hui, Anne Loerf, justement, sur ce que le présent peut nous apprendre de ces usages du passé. Vous dites, on a longtemps cru, par exemple, qu'on pouvait faire des comparaisons avec les peuples dits primitifs en se disant, eh bien voilà, il y a des primitifs d'aujourd'hui, des primitifs d'hier, et on va pouvoir voir si leurs pratiques de guerre sont semblables. Vous dites, il faut peut-être éviter ce genre de relations un peu difficiles parce que ça ne correspond pas, les sociétés ne sont pas les mêmes, etc., etc. Anne-Loerf. Toute la difficulté d'arriver à faire parler la documentation. Donc on a essayé des outils, c'est-à-dire que on a considéré l'histoire par les sources documentaires qui étaient textuelles. Là, on a pensé qu'on pouvait faire de l'histoire, j'allais dire, à part entière. Et puis, dès que on est arrivé sur des terrains où on avait des traces archéologiques, pour arriver d'une certaine manière à les mettre en récit, à les faire parler, on a essayé de trouver des moyens. Par le comparatisme. Par le comparatisme. Et on a d'abord eu, j'allais dire, des logiques de comparatisme primaire qui ne correspondent pas aux sociétés telles qu'en fait on les envisage aujourd'hui, parce que toutes les sociétés ont eu des histoires différentes, qu'il n'y a pas un évolutionnisme primaire qui mettrait tous les hommes et toutes les sociétés sur une route et que donc toutes les comparaisons seraient bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir à des comparaisons, parce que évidemment ça invite à réfléchir, mais il faut aussi s'en être prudent. Et à partir du moment où on commence à s'y intéresser, à cette question de la guerre, donc dans ces périodes du XVIIe, XVIe et peut-être avant donc notre ère, eh bien on trouve en fait, parce que nos musées, dites-vous, sont pleins, mais plein de témoignages. Il y a des centaines de milliers d'épées, de casques, etc., que l'on mettait dans des vitrines, généralement parce qu'ils étaient beaux, parce qu'on se disait « Oh, c'est joli, ça, c'est bien fait ». Et en fait, vous dites « Mais on pourrait peut-être les rendre à leur usage premier, qui était de faire la guerre ». Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont effectivement, alors même d'un point de vue technique, hein, ce sont des réalisations exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'on a gardé, il y a des milliers et des milliers d'épées dans tous les musées européens. Et on les a gardées parce que les contemporains étaient, et il y en a d'ailleurs au musée de l'armée, le début du musée de l'armée a une petite section sur justement ces objets les plus anciens, dont une très belle cuirasse de l'âge du bronze. Et ces objets étaient identifiables par nos contemporains. Donc on les a gardés, on les a mis dans des musées, et on ne s'est pas interrogé véritablement sur ce qu'ils signifiaient en termes de combat et en termes de société qui portait ces combats, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la guerre. Et sans compter que on laissait tomber, dans des fouilles par exemple, tout un tas de choses qui disent quelque chose, c'est-à-dire par exemple pour le bronze à cire perdue, la fonte à cire perdue, eh bien, il y avait des petits récipients en terre cuite dont on savait pas très bien à quoi ils servaient. Puis on se dit ça sert à rien, on gardait pas parce qu'ils étaient cassés, etc. Vous dites ça c'est très utile pour l'archéométallurgiste que je suis parce que c'est simplement la façon de comprendre comment sont fabriquées ces armes. Mais ça renvoie véritablement aussi à finalement aux méthodes d'investigation des archéologues d'aujourd'hui. Pendant très longtemps, on a plutôt regardé les beaux objets et les armements, l'armement que dont on parlait à l'instant. Je pense aux objets qu'on a gardés et qu'on a mis en scène justement les tableaux. C'est le Vercingétorix qui jette ses armes aux pieds de César, qui est un tableau qui a été maintes fois repris, y compris sur des paquets de chocolat, dans Astérix et dans différents lieux, avec des anachronismes puisqu'en fait c'était pas du tout Vercingétorix qui pouvait porter ses armes puisqu'elles sont vieilles d'au moins 1000 ans par rapport à Vercingétorix, donc elles sont de l'âge du bronze justement. Donc il y a eu aussi ce problème de datation qui s'est posé. Pour revenir à l'archéologie, c'est vrai que pendant longtemps on a plutôt gardé les beaux objets et on a moins regardé les traces finalement fugaces que l'on trouve dans le sol, qui sont souvent assez laides, faut bien le dire, et aujourd'hui qu'on exploite à la fois des traces donc de moules, puisque c'est ce que vous évoquiez à l'instant, traces et puis, d'ateliers même. Des traces d'ateliers. Alors ça c'est assez difficile parfois à trouver, mais on commence à en trouver parce qu'on les cherche de manière plus systématique. Et donc là, l'archéologie a évidemment révolutionné ses pratiques et aujourd'hui est en capacité d'écrire une histoire de manière tout à fait différente. Alors, grâce à votre livre, donc, Par les armes, on comprend aussi donc, cette évolution du regard porté sur nos ancêtres de ces périodes anciennes. On comprend également la fabrique des armes, parce que vous êtes archéométallurgiste et on rentre véritablement dans la fabrication de ces armes. Comment sont-elles faites? Par qui sont-elles faites? Quels sont les alliages qui sont nécessaires pour pouvoir faire les armes les plus solides, mais aussi sur l'équipement, parce que vous parlez de l'épée, mais avec l'épée, il y a plein d'autres choses qui viennent avec. Parce que face à l'épée, il faut se défendre, donc il y a le bouclier. Face à l'épée et au bouclier, il y a aussi l'usage du cheval, et vous mettez tout cela comme un système de guerre en place comme un système de guerre. Oui. Alors ça se met pas en place de manière instantanée. On voit les éléments les uns après les autres. C'est vrai que par exemple pour l'armement défensif, on a a priori dans les premières découvertes, on a plutôt des matériaux organiques. On a des boucliers en cuir par exemple qui vont avec les premières épées Et qui continuent à perdurer quand les premiers boucliers en bronze arrivent. Absolument. Et en revanche, on a tout un développement qui est en fait un travail pour le métallurgiste. Du martelage qui se développe, alors que l'épée, évidemment, il y a du martelage, mais on est principalement dans un travail de fonderie. Donc il y a une complexification de la pratique artisanale qui va avec une amplification de l'équipement du guerrier lui-même et très certainement, évidemment, une société qui accompagne toutes ces réalisations. Et grâce à vous, par exemple, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas porter une épée comme ça, sur soi. Il faut avoir un fourreau d'épée. C'est plus pratique. Donc, vous expliquez effectivement que cette épée a besoin d'un fourreau, qu'on a du mal à les trouver, qu'il y a beaucoup plus d'épées trouvées dans les musées, enfin trouvées dans les fouilles, que de fourreaux qui vont avec. Donc, il faut réfléchir à la façon dont justement on pouvait porter ces épées, à partir de quelle matière étaient faits ces fourreaux, puisque s'ils ne perdurent pas, c'est qu'ils ont disparu, donc etc., etc. Donc, il y a une véritable réflexion sur ce qu'est un système d'armement, ce qu'est une société qui s'arme pour pouvoir soit se défendre, soit conquérir des territoires. Oui, c'est effectivement la question que je me suis posée, et je pense que c'est le questionnement de l'archéologue, c'est-à-dire que avec les traces qu'il a, matérielles, il va essayer d'imaginer tout ce qui lui manque, et en général il lui manque beaucoup, et en combinant ce qu'il a et ce qui manque, il va effectivement essayer de retrouver les hommes et la société dans laquelle ces hommes ont vécu. Et quand on voit les équipements guerriers, ce que ça suppose, on est obligé derrière de proposer des modèles de sociétés qui ont effectivement permis ces réalisations et qui avaient donc, pour que ça ait du sens, que ça se soit passé de cette manière-là, qui ont souhaité organiser justement tout un pan de la société, tant sur le plan social que sur le plan économique ou technique, autour de la guerre. Et cela, c'est une vraie réalité, finalement, à partir de quelques éléments que l'archéologue met au jour. Valérie Anna, vous voulez poser une question à Anne Lehr. Dans Anne Lehr, j'étais en train de me demander quelle idée on se ferait de la Première Guerre mondiale si on avait pour la connaître que des restes, restes archéologiques. Ben en fait, c'est une question que je pose en conclusion. Et c'est vrai que, alors, c'est évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes traces. Et c'est vrai que, à écouter John Horn, j'entendais le détail. Là, c'est vraiment des échelles d'analyse. C'est-à-dire que Jacques Revel a fait ça très bien. Et c'est vrai que on est à un niveau d'analyse, à une échelle d'analyse qui permet pas de rentrer dans le détail. Il y a un élément que je trouvais très intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la question de la durée ou de la fin. Et nous, elle nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose en action, potentiellement, mais on n'a pas d'armistice, on n'a pas de durée, on n'a pas de démobilisation. Ça, c'est une frustration. Est-ce que, malgré l'absence de source écrite, est-ce que c'est possible néanmoins d'utiliser l'Iliade d'Homère, qui est évidemment qui est écrit au 7e, 8e siècle, mais qui est un récit de l'âge de bronze? Alors, on peut toujours, mais là, effectivement, est-ce que la société de cette époque-là, en Méditerranée, est la même que ce que moi je vois en Scandinavie, par exemple? Est-ce qu'on peut se permettre? Évidemment, il faut s'interroger et il faut prendre, comme nous l'auraient dit les fondateurs des Annales, toutes les sources pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on peut plaquer véritablement la société du monde méditerranéen sur les sociétés d'Eurasie et du nord-ouest de l'Europe. Merci beaucoup à vous trois. Merci Anne Lehr d'être venue présenter en conclusion de cette saison de La Fabrique de l'Histoire, le livre qui est sorti maintenant il y a 2 mois, qui s'intitule « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre ». Si on veut savoir quelque chose justement sur ce moment de l'armement des hommes à partir du XVIIe siècle d'avant notre ère, eh bien il faut vous lire, c'est publié chez Belin. Libellis, conservateur, homme politique, insoumise, arctique, geek, souffri, paysan, red coast, arc, pétroleuse, souffri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet. Et dans cette fabrique de l'autre, toutes les mois, vous venez, Catherine Decopé, nous présenter un mot qui désigne un autre. On a entendu Arki, par exemple. Et bien là, on parlait de la Grèce à l'instant avec John Horn. Vous allez nous parler du mot macédonien. $140 000 selon la police, 10 fois plus selon les organisateurs. La manifestation contre tout compromis sur la question du nom de la Macédoine a battu son plein aujourd'hui à Athènes, paralysée pour l'occasion. Le discours enflammé du compositeur Mikis Theodorakis a légitimé ce rassemblement. Tout en se dégageant de toute approche raciste, fasciste ou extrémiste, il a exprimé ses peurs vis-à-vis de l'ex-république yougoslave de Macédoine, selon la formule consacrée. En vérité, Skopje, en utilisant le mot Macédoine, veut élargir ses frontières nationales, aux dépens des nôtres. Pour la création de la soi-disant Macédoine de la mer Égée, ils ont cet objectif depuis des décennies, et c'est un but majeur de ce pays voisin. Athènes, Angélique Couronis, France Inter. Alors vous venez de l'entendre, ce reportage du 4 février dernier sur France Inter montre, s'il en était encore besoin, la vivacité de la querelle qui oppose ce pays à la Grèce depuis 1991 et qui vient donc de trouver sa solution dans l'accord signé le 17 juin dernier, la querelle autour du nom de Macédoine, dont les deux pays se sont toujours disputés l'exclusivité. L'ancienne République yougoslave, située à la frontière de la Grèce, de l'Albanie, la Bulgarie et du Kosovo, devrait désormais s'appeler la République de Macédoine du Nord. Qui sont alors les Macédoniens ? Si on part de ce conflit, on comprend que le terme peut désigner aussi bien les habitants de cette ancienne République yougoslave, tout autant que les habitants de la région de Grèce, appelée elle aussi Macédoine, et limitrophe du pays indépendant. Si le Parlement grec ratifie à son tour l'accord sur le changement de nom, il y aura alors officiellement deux catégories de Macédoniens, les Macédoniens du Nord et les Macédoniens de Grèce, qu'on appellera peut-être par effet miroir les Macédoniens du Sud, mais là je n'ose pas trop m'avancer. Résumer la question macédonienne à cette partition Nord-Sud serait trop simple, car derrière le terme macédonien se cache une réalité beaucoup plus complexe qui s'explique par l'histoire longue et mouvementée de cette région. Oui, il faut partir, Catherine, évidemment, de l'Antiquité et avec le royaume de Macédoine qui est attesté dès le 5e siècle avant notre ère. Dirigé d'abord par Philippe II qui impose son hégémonie militaire à toute la Grèce, ce royaume devient célèbre grâce à Alexandre le Grand, le fils du dit Philippe. Ses conquêtes territoriales à partir de 336 avant Jésus-Christ vont inclure l'Égypte, la Mésopotamie et une grande partie de l'Asie centrale, faisant donc du royaume un vaste empire qui assure alors la diffusion de la culture hellénistique. La Macédoine, d'où part Alexandre, est une région plus vaste que la République actuelle, englobant notamment une zone au nord de la Grèce. C'est en partie sur cette histoire que se base la querelle dont on parle, Grèce et Macédoine se disputant l'héritage d'Alexandre, et ce jusque très récemment. En 2011, le pouvoir macédonien a entrepris une vaste opération de refonte de la capitale, Skopje, en multipliant les références architecturales à l'époque classique. À côté des façades de stuc, deux statues monumentales de Philippe II et d'Alexandre le Grand ont été érigées. Mais la querelle sur cet héritage, Catherine, ne remonte pas à 1991, la date de l'indépendance de l'ancienne République yougoslave, mais bien au 19e siècle. Il faut savoir qu'avant d'en arriver là, la Macédoine, j'entends ici l'aire géographique en question, a subi à travers les siècles les dominations des différents empires qui se sont succédés, empire romain, byzantin, puis empire serbe au 14e siècle, avant de passer sous domination ottomane. Au 19e siècle, le territoire est traversé de nationalismes concurrents qui ont pour point commun de s'opposer aux Turcs. Et c'est à ce moment-là que le nationalisme grec va utiliser le nom Macédoine pour désigner la zone située au nord-ouest et au centre-nord de la Grèce actuelle, tandis que pour certains nationalistes slaves, le nom désigne une région plus vaste, incluant une partie de la Bulgarie actuelle. Comme le notent les historiens, à cette époque, la population de ce territoire est loin d'être homogène. On y trouve des Grecs, des Turcs, des Albanais, des Valaques, des Tziganes, des Juifs. Et si les personnes de langue slave sont majoritaires, elles se divisent elles-mêmes en plusieurs camps selon leur adhésion politique, les pro-bulgares, les pro-serbes et les pro-grecs. Allez donc savoir qui, à l'époque, peut donc répondre au nom de Macédonien. Et dans cette émission, où nous parlons aussi de la Première Guerre mondiale, il faut se souvenir que, à l'orée de la Première Guerre mondiale, la Macédoine se retrouve au cœur de deux conflits successifs qu'on a appelés les guerres balkaniques, dont Bulgares, Serbes et Grecs sont partie prenante. La première de ces guerres oppose ces trois pays à l'Empire ottoman et la seconde, les vainqueurs entre eux puisque la Bulgarie y affronte ses anciens alliés. À l'issue de ces conflits, le territoire macédonien est partagé entre les trois puissances et progressivement, c'est à ce moment-là qu'une ébauche d'identité macédonienne propre émerge. Georges en réaction aux différents nationalismes en place. Quand, en 1944, est créée la Fédération yougoslave, elle comprend une république de Macédoine ayant Skopje pour capitale, issue de la Macédoine serbe des décennies précédentes. Le caractère à vif de ces différentes cicatrices a créé, vous l'avez compris, des secousses jusqu'à notre époque, dont la principale illustration a été le veto grec à l'entrée de la Macédoine dans l'OTAN en 2008, puis dans l'Union européenne en 2012. Cette histoire contemporaine est aussi en creux celle du regard grec sur l'étranger. Passé de pays d'émigration à pays d'accueil dans les années 1990, la Grèce n'a cessé de cultiver et de recomposer son nationalisme, hésitant entre une xénophobie définie par les limites de l'État grec à une acception plus large de l'identité grecque, incluant des individus vivant dans des pays où l'histoire d'une population hellénophone était attestée. Là aussi, l'histoire évidemment compte énormément. Une attitude qui a débouché sur la création d'une catégorie administrative particulière, les Grecs d'origine rapatriée, une expression qui mériterait à elle seule une autre chronique. Et oui, effectivement, Catherine, et on pourra en reparler dans une autre chronique dans la saison prochaine. Merci beaucoup, Catherine de Copé, pour cette chronique La Fabrique de l'Autre, que l'on peut retrouver sur le site de France Culture avec une page qui lui est dédiée. Merci. Et nous terminons cette émission du vendredi, comme chaque vendredi, par notre rubrique avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. C'était à la une, enregistré aujourd'hui au lycée Jacques Decourt par Elsa Dupuis, la comédienne, dans une réalisation de Séverine Cassard, un texte absolument extraordinaire et terrible de 1908 sur la féministe Madeleine Pelletier. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain, en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, mardi 3 novembre 1908. Lettre de Paris. Les idées d'une féministe. Mademoiselle Madeleine Pelletier peut être considérée comme le type le plus acharné de la féministe intégrale. Elle dépasse en extravagance nos pires lysistrates modernes et les suffragettes anglaises elles-mêmes semblent auprès d'elle possédées par l'esprit le plus rétrograde, le plus réactionnaire. Elle est docteur en médecine, et je crois même qu'elle est attachée au service d'un hôpital. Ses clients, ses malades, les journaux l'appellent « docteur ». Et cette appellation masculine doit être singulièrement pénible pour son féminisme jaloux, susceptible et singulièrement prompt à s'émouvoir. On ne sait que trop que les féministes des deux sexes, non contents de vouloir que le code civil soit réformé de manière à placer le mari et la femme sur le pied de l'égalité légale la plus complète, réclament la suppression pure et simple du mariage et son remplacement par l'union libre. L'aversion des féministes pour le mariage, leur prédilection pour l'union libre qui aboutit à l'abolition de la morale et à la disparition de la famille, explique sans qu'il soit besoin d'insister autrement l'horreur que leur inspire la religion. Le féminisme et l'anticléricalisme vont de pair. En outre, comme le socialisme, qui ne rêve qu'à désorganiser la société, a naturellement inscrit dans son programme l'union libre, dont la reconnaissance légale détruirait la famille, une des bases essentielles de l'ordre, et mettrait l'enfant aux mains de l'État, réforme revendiquée par le collectivisme, les féministes sont socialistes. Mademoiselle Madeleine Pelletier est fort désintéressée en cette matière des rapports légaux ou extra-légaux entre les deux sexes, car l'homme lui inspire une telle horreur que nous devons croire qu'elle n'a pas plus de sympathie pour l'union libre que pour le mariage. Si elle est femme, elle enrage de l'être et fait tout son possible pour qu'on oublie qu'elle l'est. Elle n'en est pas encore arrivée à s'habiller en homme, mais elle sait, dans son costume, dans sa coiffure, elle porte les cheveux courts et coupés en brosse, masculinisée autant qu'elle l'a pu. Et je vous jure que cela ne l'embellit pas. C'est à croire qu'elle ne s'est jamais regardée dans une glace. Naturellement, elle réclame pour les femmes tous les droits que les hommes ont réservés pour eux-mêmes, à commencer bien entendu par les droits politiques. Elle veut que les femmes votent. Elle veut que les femmes puissent être élues. Faut-il dire conseillères, députées, sénatoresses ? Et lorsque Mademoiselle Laloué, journaliste, se présenta aux dernières élections municipales dans le 9e arrondissement, elle tint à prêter l'appui de sa parole à la candidate. Je dois avouer que Mademoiselle Laloué, qui est gentillette et qui ne voulait que rire et se faire un peu de réclame, obtint beaucoup plus de succès que Mademoiselle Madeleine Pelletier, qui prenait cette initiative au sérieux et dont l'aspect un peu trop pommasse n'était pas pour séduire des électeurs désirant s'amuser en se prêtant à cette bonne farce d'une candidature féminine. Notre terrible Virago vient d'illustrer son nom d'un nouveau titre de gloire et de gagner de plusieurs longueurs la course à l'extravagance qui se dispute sur le terrain du féminisme en demandant que les femmes fassent leur service militaire. Elle ne peut tolérer que les hommes se targuent pour dominer les femmes de la supériorité qu'ils tirent de l'obligation qu'ils ont seuls de servir la patrie. Le docteur Madeleine Pelletier n'admet pas cette inégalité. Elle demande, elle veut, elle exige que la femme fasse son service militaire. Et la revendication est d'autant plus inattendue que cette fougueuse féministe professe un antimilitarisme des plus déterminés. Elle ne veut plus de guerre, mais elle veut que la femme soit soldat. Les dortoirs seraient-ils communs? Y aurait-il dans chaque hôpital militaire une maternité? Que de questions se soulèvent auxquelles il serait délicat de hasarder une réponse. C'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce texte sur notre page, mais également sur le site de Retro News. C'était un texte lu par Elsa Dupuis dans une réalisation de Séverine Cassard. Bien entendu, vous pourrez continuer à entendre et à écouter de l'histoire avec en particulier Concordance des temps de Journal Jeannet et Demain, qui traitera du théâtre et des chahuts et scandales au théâtre avec Martial Poisson. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Audrey Guélil nous a accompagnés à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Et la semaine prochaine, vous entendrez une semaine de rediffusion d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux sexualités. Et puis, si vous vous trouvez à Paris pendant les vacances, n'hésitez pas à aller sur le site Easy Travel, l'application Easy Travel, pour écouter la balade sonore géolocalisée que nous avons réalisée avec Renaud Dalmar dans le quartier de la Sorbonne autour de mai 68. Vous installé au 45 rue d'Ulme devant l'école normale supérieure et vous partez pour une balade sonore pendant 1h15 dans le quartier. C'est évidemment quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez, donc dans Paris cet été.